Chapitre 23e. Ce jet me conduisit chez lui à Nazareth et ne voulut pas me laisser retourner à Paria. J'acceptai volontiers car j'avais un moyen de le remercier. C'était de faire son portrait que je donnerais à sa famille dont il était séparé depuis longtemps. Je pris pour logement une grande pièce au rez-de-chaussée où j'installai mon hamac et mes instruments pour la peinture, la préparation des animaux, les produits photographiques et mes ingrédients de chasse. M. Benoît commença son service par casser une bouteille contenant du nitrate d'argent. Il le fit assez adroitement pour tacher complètement un pantalon que je mettais pour la première fois. Il s'excusa beaucoup et je vis bien qu'il prendrait garde à l'avenir et que je pouvais être tranquille, car le même jour il mit son pied sur une glace qui séchait contre le mur et sur laquelle j'avais photographié M. G., en attendant la peinture dont je voulais lui faire la surprise. J'allai le lendemain dans le bois. La chaleur me joua de mauvais tours. Mon collodion ne coulait pas. Les terres séchaient immédiatement. Je n'en persistais pas moins à vouloir travailler. Me défiant un peu de M. Benoît, j'avais chargé un grand gaillard de nègre de porter mon bagage, puis je l'avais renvoyé. M. Benoît m'avait suivi de loin et tout le temps que je passais à travailler, il resta immobile, appuyé sur un grand bâton. J'évitais de regarder de ce côté. Son air et sa pose m'agaçaient. J'avais tort, car sans doute il attendait mes ordres. Il cherchait à deviner mes goûts, et comme il était plein de bonne volonté, je pouvais espérer qu'il me serait fort utile un jour. Je lui fis gentiment signe d'approcher, aussitôt il s'empressa de s'en aller le plus vite que sa jambe lui permit. Je fus obligé de courir après lui, et comme il était un peu sourd et que son organisation le faisait se méprendre sur les intentions autant que sur les paroles, soit françaises, soit portugaises, il me fallut le rattraper à la course. Je restai quelque temps à dessiner à l'ombre. Ensuite, je me mis à chasser pour faire l'essai d'un magnifique fusil anglais que j'avais acheté à Rio. Pour revenir à Nazareth, où demeure M. G., j'avais déjà marché plus d'une demi-heure au soleil. Or, le soleil du Paria était bien brûlant. J'ôtai donc peu à peu de mes vêtements tout ce que la décence permettait. Et comme personne ne se hasarde à courir les routes à 7 heures de midi, je pouvais en prendre à mon aise. J'étais ainsi occupé à simplifier ma toilette, quand de l'autre côté de la route, je vis passer lentement un boa rouge, et sans trop me hâter aussi, je lui cassai les reins d'un coup de fusil. J'ai appris plus tard que cette espèce était assez rare. Je passai fort peu vêtu en revenant à Nazareth, devant plusieurs maisons de campagne. Deux messieurs causaient sous une porte. Mon humiliation fut grande en reconnaissant le président de la province, que j'avais déjà visité à la ville. J'aurais bien voulu l'éviter, mais il était trop tard. J'avais été éventé, moi et mon serpent. Monsieur le Président parut prendre un vif intérêt à ma chasse. Il profita de l'occasion pour me parler assez longuement de Rio de Janeiro et des personnes qui m'avaient donné des lettres pour lui. J'aurais préféré m'en aller. Enfin, arrivé à Nazareth, je dépouillai mon boa sous les yeux de Monsieur Benoît. Cela lui donna l'idée de me faire une surprise. 2 jours après, il attendait mon réveil, tenant roulé autour de lui un boa vivant, avec la précaution pourtant exigée en pareil cas d'avoir une main sur le cou du reptile, très près de la tête. Tout habitué que j'étais au serpent, ce ne fut pas avec une bien grande satisfaction que je vis à quelques pouces de ma figure cette gueule grande ouverte. M. Benoît avait rencontré un nègre qui faisait jouer ce boa avec un rat, attaché à une ficelle, au grand plaisir des enfants nègres et indiens. Comme le serpent ne mangeait pas son rat, le nègre le lui reprenait très adroitement. Il lui passait sous le cou une petite palette en bois de la forme d'une bêche, et derrière cette palette, il l'empoignait sans crainte d'être mordu. Au Paria, tout le monde connaît les boas, et on sait qu'ils ne font pas de morsures dangereuses. Aussi l'on ne s'en inquiète guère, on en trouve dans beaucoup de maisons faisant office de chat. Ils sont inoffensifs, à moins qu'on ne les frappe ou qu'on ne les dérange. J'allais à la ville flâner et faire mes observations. Je n'ai vu nulle autre part les négresses et en général les personnes de couleur se vêtir d'une façon si coquette qu'au Paria. Les négresses et les mulâtresses, surtout, grâce à leur laine frisée, se font des échafaudages d'une grande dimension qui pourraient se passer du secours du peigne. Cependant, tout en ont est d'immense. Les fleurs jouent là-dedans un grand rôle aussi, et quelquefois ces femmes sont assez agréables à voir, avec leur robe décolletée et toujours de couleur brillante. Quand je n'allais point dans les bois, je partais de bonne heure de Nazareth, et ainsi qu'à Rio, j'allais me promener sur le marché, qui se tient tout à fait sur le bord de la rivière. De grandes et de petites embarcations viennent s'amarrer contre le quai. Les acheteurs sur le bord plongent dans ces embarcations, car le quai est élevé, et ils peuvent voir d'un seul coup d'œil à vol d'oiseau ce qui est à leur convenance. Il ne faut pas oublier de faire ses provisions d'assez bonne heure, car dans la journée on ne trouverait presque rien, surtout en fait de viande. Un autre marché intérieur me convenait moins à parcourir. La terre rouge dont j'ai parlé, quand il n'a pas plu de quelques jours, s'élève de tous côtés par le piétinement de la foule. Malheur aux vêtements. Ce marché d'ailleurs a moins d'étendue que l'autre, et sans en être bien sûr, je crois qu'il est composé d'objets ayant déjà passé entre les mains des revendeurs et des revendeuses. Là, on voit tous les croisements de races, depuis le blanc jusqu'au noir, en passant par les diverses nuances. Le mamalouco d'abord, le cafouza, le mulâtre, le métis, le tapouillot, l'indien pur et le nègre. M. G. me fit faire la connaissance d'un Français, M. L., représentant d'une maison de Paris, et par ce dernier, je me vis de suite en rapport avec d'autres Français, M. C. de Nantes et H. du Havre.